est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Hein ? Je le jette pète sur le capot. On a le sang couleur du drapeau. Je mets la salade dans le chapeau. Pourtant je traîne dans les souterrains comme El Chapo. Ça peut être une tu les cachous. Ça fait des fous après ça pleure dans les cachots. J'envoie des frères pas que des cachous. Hein ? Testa di cacho. T'es là tu joues les Don Pietro. Pendant que ta petite sœur fait des pirouettes. Ça te supprime c'est normal si t'en sais trop. Ouais ça tourne vite ça baisse que des girouettes. Il faut les mecs c'est que des fils de putain comme Juno. Ça te laisserait tomber pour une miche comme neuf. Ça s'en met dans les narines comme en Mexico. Tu veux être poteau au manin arrive à la profondeuse. On s'est fait seul besoin de personne pour être parrainé. Ça passe des plaquettes dans les carénages. Ils jouent les kings, ils ont même pas régné. Ça fait des fous avec les narines dans l'enfarinage. Depuis le jeune âge, ça veut pas élever. Y'a pas d'argent face les poteaux, seul le sale P. Y'a pas de vrais demandants, on est excanté. On lâche rien, N'Golo Kanté. Ça charbonne ganté, ça pour ça indé. Rien à foutre du game, pas du charme vanté. Toujours sur le rindé, ne crois pas, je suis blindé. Mes ennemis sont ceux qui archent fréquentés. Un pétard rindé, on manie le synthé. T'as qu'à la santé, rien à foutre du poli de janté. Mon rap, ça la chienté, ne sait pas de feinté. La rafale peut venir de la vie teintée. Poteau ou du casque intégral. On te laisse tout le téco comme un latéral. Certains cachent des kilos, toi tu caches tes grammes. Si tu veux nous tester, la puissance est intégrale. Tu te compares comme si t'étais mon égal. Si on t'écoute, t'es blindé comme un monégasque. Si tu veux du produit, y'a pas de TLM. Poteau, on fait pas de crédit sur la monégasque. Pétasse, tu vas casquer. On va te fourrer comme une brioche basquée. Trop dans ton visage comme dans un bal masqué. Poteau, la faucheuse, drogue, cagoule et casqué. Tu veux pas comprendre, poteau, si t'es pas de là. Cross pince, mon seigneur, pète le cadenas. Gros canon scié sous le matelas. Ça fait des gros faces que des boîtes qui l'osent là. Suffit d'une basse, toi, c'est tout s'arrête là. Le bras, il peut partir d'une étincelle. Ne fais pas le mec, tout le monde sait que t'es qu'un sale. Il est plus difficile d'avoir les mains saines. C'est sûr qu'il est plus facile d'avoir les mains sales. En cas d'abou, chacun son arsenal. C'est du business et rien de personnel. Le canon sur le cœur comme arsenal. Poteau pour faire la guerre, besoin de personnel. Beaucoup parlent pour rien, trop de faux personnages. Quand j'étais dans la merde, où t'étais. Y'a que des dealers à la sauvette. Demande à Zinga, ça pique grave en VTT.